Elsia, donc chanteuse. Moi, je t'ai déjà entendue une fois ici à la radio. Ouais. Tu étais venue dans l'émission 442. Oui, pour faire soutenir Oscar. Oscar, une petite reprise que tu avais, on écoutera tout à l'heure, hein, que tu avais faite à l'occasion. Oui. Alors, Elsia, pour faire le tour, chanteuse. Oui, chanteuse, oui. Reprise, composition. Alors, pour l'instant, ce sont des reprises, mais j'ai dans l'idée de faire mon album avec mes créations. Donc là, ce sera en français, probablement aussi avec un petit peu d'anglais. L'essentiel de mes reprises actuellement sont en anglais. Il y a quelques titres en français, mais l'essentiel, oui, c'est plutôt, comme je fais plutôt de la soul et du jazz, un petit peu de bossa, mais essentiellement de la soul et du jazz. Donc là, pour le coup, c'est en anglais, quoi. En anglais. D'un point de vue écriture de vos titres, je me suis laissé dire que ça n'en est pas seulement à l'état d'idée, mais c'est déjà bien avancé. Le travail est déjà avancé. En fait, j'ai déjà écrit plusieurs textes. Mm-hmm. Là, il faut que je me rapproche du musicien pour pouvoir composer vraiment, et que ça me corresponde bien au niveau musique, quoi. Voilà. Vos titres auront un aspect, justement, un environnement soul, jazz, comme vous l'aimez actuellement dans vos reprises, ou ça sera différent? Non, oui, c'est plutôt ça que je cherche. On sera toujours dans l'esprit du jazz et de la soul. Oui, d'accord. Probablement plus soul, hein, de toute façon. Il y aura peut-être quelques balades. Là, j'ai vu avec Olivier Roy, un ami qui est auteur-compositeur, éventuellement pour qu'il travaille une balade avec moi, parce que lui, il n'est pas de cet univers-là, mais j'aime bien aussi son univers, donc éventuellement placer ça aussi dans mon projet d'album. Voilà. Vous travaillez actuellement avec des artistes connus d'Orléans, justement. Qui est votre coach vocal à Orléans? Alors, mon coach vocal, c'est Franck Salé. Donc, ça fait 3 ans que je suis une formation avec lui et je la termine fin juin. Mm-hmm. Et il va justement m'accompagner pour un concert prochainement à la Java Pop. Donc, je serai en formation en trio plutôt. Donc, il y aura Franck, Thibault Lurton, qui est également le bassiste d'Olivier Roy, et moi. Donc, voilà, on va faire un petit. Alors, pour ce mois de juin, vous allez vous produire sur 3 dates, enfin, avec, si je comprends, le 1er juillet dedans, à Orléans. Il y aura donc le 4 juin, ce que vous venez de dire, à la Java Pop, à Orléans. On retrouvera tous les horaires sur internet, tous les détails, vous venez de le dire. Et puis le 15 juin, qu'est-ce qui se passera le 15 juin? Alors, le 15 juin, je vais également me produire au Club 15, donc rue de la Bretonnerie. Mm-hmm. Et là, ce sera un concept d'expo-concert, puisque je suis, à côté de ça, artiste plasticienne, designer et décoratrice. Donc, j'exposerai avec différents artistes orléanais, notamment Pascal Notin, le papa du petit Oscar dont on a parlé tout à l'heure, Colette, qui est une artiste plasticienne également, JB sans nom, et puis un autre artiste également. Voilà. Donc, la soirée du Club 15 le 15 juin, ce sera un vernissage et un concert, un mix entre les deux, un aller et venu entre l'art pictural et l'art musical. C'est ça, sachant que là, pour le coup, au Club 15, je serai accompagnée d'autres musiciens. Donc, il y aura Alex Soubry, qui lui est un guitariste. Et c'est avec lui que j'ai commencé à chanter, en fait, quand j'avais 17-18 ans. Ah. On faisait partie d'une formation musicale qui s'appelait les 24 Nights. Et on a chanté au Caveau des Trois Maris. On a fait des concerts là-bas. Ah oui, bien sûr. Ça, voilà. On retrouve les sons d'époque. Un petit peu, oui. On va aller chercher. Bah, en fait, c'était un groupe de rock et de blues. Donc, pour le coup, j'ai quand même, malgré tout, cette influence du blues, quoi. Donc, voilà, donc effectivement, Alex Soubry, lui, a été le guitariste de Martha High, qui est une ancienne choriste de James Brown. Oui. Donc c'est un bon musicien. C'est une référence. Oui. Là, il a son groupe qui s'appelle Fake ID, et ils ont sorti un album l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont 4. Il y a David Azak en bassiste, Pierre-Erwan Grenet qui est à la batterie, Julien Chalmet, qui est au chant, et Alex à la guitare. Et prochainement, il me semble que le 19 mai, ils se produisent en duo à l'Hippopotamus à Saran. Voilà. Donc si vous pouvez tout à l'heure passer un petit morceau de Fake ID, ça permettra au monde, aux auditeurs de découvrir leur univers musical. Hein, voilà. Justement, et donc, c'est ce que j'allais te proposer, tu vois, c'est direct. Hein. Oui. Fake ID, pourquoi pas sur Arc-en-Ciel, on écoute ça tout de suite. Voilà, tout à fait. Et ben ouais, Fake ID, on en reparle juste après. Yes. Avec le titre Don't Turn the Stereo Down. Ouais. Feeling like dying when all I wanna do is smile. So come with friends to my house, it's an open invitation. Get ready for a mighty good time. Tight fitting blue jeans, pink sunglasses, lipstick, high heels. Girls are looking sexy and wild. Such a delight. See that merrymakers backsliding in blinding lights. Beer candy sodas, pretty ballerinas, my two turntables and I. I'm mixing hip hop, house pop, rocking bits and trip hop, good stuff and analog sounds. Dirty loops and synthesizers blowing up the speakers. You're gonna stamp your feet to the beat, stamp your feet to the beat. C'est qu'Elsia en concert, la voix que j'ai. Un petit mix, Elsia, que tu avais fait, pas en live, mais presque en live, à l'occasion donc, du 4-4-2. Oui. Pour Oscar, oui. Tu avais repris cette petite chanson-là, et donc on avait eu l'occasion de t'écouter à ce moment-là. Oui, voilà. Donc en fait, c'était un titre que j'avais enregistré dans les studios de Terence Brillant. Oui. C'est If I Got You, c'est une reprise d'Alicia Keys qu'on a revisité avec Frank Salé et Thibault Lurton, le bassiste. La raison pour laquelle j'avais choisi ce titre pour Oscar, c'est parce qu'un jour, Pascal Notin m'avait demandé, lors d'un concert, d'interpréter une chanson pour son fils. Et If I Got You, ça veut dire si je ne t'avais pas. Oui. Si je ne t'ai pas, voilà, ça laisse sous-entendre que la personne que l'on n'a pas. Nous anéantirait si on se retrouvait seul du jour au lendemain. Donc là, en l'occurrence, je trouvais que c'était très approprié pour Oscar et Pascal, puisque Oscar est atteint d'une leucémie. Oui. Il est actuellement en rémission, mais il s'est vraiment battu comme un lion. Et le jour où on a enregistré chez Terence Brillant, alors qu'Oscar était en aplasie, il est quand même venu. Et ça a été un moment magique pour lui. Donc voilà, il était ravi de pouvoir assister à cet enregistrement. Donc c'est un excellent souvenir pour tous. Je ne sais pas si Pascal ou Oscar nous écoutent, sinon on leur fait un gros coucou. Voilà. Et puis on leur dédie forcément cette musique-là. Ouais. Et bien on écoute tout de suite sur Arc-en-Ciel. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that a physical things define within us. before, but that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, but promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the words on a silver platter, and why good would it be when no one to share, and no one who truly cares for me. Some people want it all, I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some donc, Elsia, tu es venue accompagnée d'une amie chanteuse aussi ? Oui. Elle s'appelle comment ? Cathy. Okay, bonjour Cathy, tu fais partie un petit peu du groupe avec Elsia ? Tu tournes ? C'est un autre groupe, une autre formation ? Ah, pas du tout, moi je chante juste pour le plaisir. Bon, Franck, si tu nous entends... Franck, justement, qu'est-ce qu'il est, Franck ? Il est musicien, de quoi il joue ? Franck, il est chanteur et musicien. Donc, il chante à la fois de la bossa, du jazz également. Ouais. Il fait aussi du gospel. Donc, il est également chef de chœur d'une chorale qui s'appelle Macadam Sunshine. Oui. Il a un quartet de gospel. C'est Horizon Quartet. Et puis, effectivement, après, il accompagne aussi certains chanteurs et chanteuses, dont moi, sur certaines dates. Voilà. D'accord. Oui, donc il joue de la guitare aussi. Il a été formé par Toninho Ramos, qui est un excellent guitariste. Donc oui, il est multicarte au niveau. Et donc on aura le plaisir de le retrouver avec toi prochainement au prochain concert. Voilà, c'est ça, le 4 à la Java Pop. À la Java Pop. 4 juin. Ça t'inspire quoi, Elsia, ça ? Ah bah moi j'adore. On dit que ça bouge ici. Soul, ouais. Oui, moi je dansais là. On est toujours. On m'a perdu. Voilà, en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ouais, La musique ensoleillée, ça se voit derrière. Je vois moi un petit peu dans le Vélux le soleil qui nous arrive. Oui, puis on a plus de lumière juste au-dessus. Plus de lumière juste au-dessus et ça donne envie de danser. Tout et alors à ça, fait. Ce qu'on écoute, c'est Martha Renn. Ah j'adore. Je suis allée la voir dernièrement à Blois. Elle était en concert avec ses musiciens, ses 8 musiciens. C'est juste extraordinaire. Ah oui. Ah oui, elle est. Elle a une expression scénique et fabuleuse. Elle danse, elle. Elle fait participer le public, elle se roule même par terre. Ah non, non, c'est... Ah, mais tu l'as pas fait, là. Non, là, j'ai pas fait. Non, mais il n'y a pas assez de place, faut pousser les murs, en fait. On va refaire un direct en bas dans l'espace arc-en-ciel pour ça. Hein. Ah là là. Bah moi je te propose tout de suite de dire bonjour à un auditeur au téléphone, ça te va? Oui, ah bah volontiers. Eh ben, alors faut pas se planter de ligne, c'est celle-ci, vas-y. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour Alvia. Oui. Allô? Oui, ouais, c'est Olivier. Oui, ça va? Ça va et toi? Impeccable, joyeux anniversaire. Merci. Oh, merci. Alors, c'est la première fois qu'une radio me souhaite bon anniversaire. Ah, tu vois, en direct, en plus, c'est merveilleux. Alors, Olivier Roy, comment te présenter, Alicia? Comment présente Olivier? Comment dire, Olivier... C'est un monsieur, déjà? Oui. Voilà, faut commencer par le début. Oui, voilà, c'est un monsieur qui a un univers musical vraiment très particulier. La première fois que j'ai découvert ses chansons, ça m'a énormément touchée. J'ai même... Pour certaines, j'arrivais pas à les écouter entièrement parce que ça me prenait vraiment aux tripes, hein, faut dire les choses. J'étais très très émue. Je le lui ai d'ailleurs dit. Et donc oui, il a un univers très planant. Il chante en français et il s'accompagne lui-même au piano. Donc là, il a des musiciens qui l'ont rejoint sur son projet. Donc il a justement Thibaut, qui est également le bassiste qui va faire le concert avec moi le 4. Je sais pas trop comment définir en fait son. Il est incasable en fait. On n'arrive pas. C'est un artiste. Voilà. Il faut l'écouter. Lui serait plus à même de parler de sa musique que moi. En tout cas, c'est un très bel univers, très poétique. Voilà. Donc, j'invite sincèrement les auditeurs à découvrir son univers. Ben moi, je propose tout de suite qu'on écoute justement première seconde. Ouais. Alors, pas que la première seconde du titre, mais première seconde avec Olivier. Ouais. La même ville, le même chemin, les mêmes lignes sur la paume de la main, le même reflet dans les mêmes miroirs. Mais comme plus d'oxygène dans l'air, et plus de force que d'ordinaire, plus de force pour aller plus loin. La première seconde d'une nouvelle histoire, où tout est possible, il faut juste y croire. C'est la première seconde d'une nouvelle histoire, le ciel est possible, il suffit d'y croire. La première seconde d'une nouvelle histoire, où tout est possible, il faut juste y croire. C'est la première seconde d'une nouvelle histoire, le ciel est possible, il suffit d'y croire. Oh. Si loin, on peut voir tellement plus loin, on peut voir si loin, sur des mille et des mille et des mille et des mille, on peut faire tous nos pas vers le bon endroit, pour les bonnes personnes, pour de bonnes conséquences, pour les bonnes raisons, faire les bons choix. La première seconde d'une nouvelle histoire, où tout est possible, il faut juste y croire. C'est la première seconde d'une nouvelle histoire, le ciel est possible, il suffit d'y croire. La première seconde d'une nouvelle histoire, où tout est possible, il faut juste y croire. C'est la première seconde d'une nouvelle histoire, le ciel est possible, il suffit d'y croire. Le ciel est possible, il suffit d'y croire. Et voilà, c'était la découverte Olivier Roy par oui, Elsia. Ça vient d'où ça, Elsia, d'ailleurs? Tu sais un petit peu? En réalité, mon vrai prénom, c'est Elsa. Oui. J'ai juste rajouté un I entre le S et le A pour devenir Elsia, sachant que c'est un prénom qui existe déjà. Et c'était un clin d'œil aussi à ma petite sœur que j'ai perdue il y a un an et demi, qui aimait beaucoup la chanteuse Sia. D'accord. Donc voilà, c'est tout un... C'est des clins d'œil, voilà. C'est des clins d'œil. Oui, donc Elsia. Elsia, eh ben tiens, tout de suite, vu que tu as la parole, Elsia, puisqu'Olivier, il est avec nous derrière, t'es encore là, Olivier, tu vas être scotché. Toujours là. Elsia, pour ton anniversaire, avait une petite surprise et voulait nous faire une chanson en live. Oui. Et donc, on laisse le micro ouvert. Elsia, pour Olivier, un bon anniversaire de notre part à nous, de Radio Arc-en-Ciel, de Florent, notre amigo qui nous envoie des petits mots de temps en temps. Donc, bonjour à toi, Florent, il te souhaite un bon anniversaire. Et Elsia, en live sur Arc-en-Ciel, c'est ça. Oui. Bon, je vais pas te chanter juste anniversaire. Hein. Je vais chanter juste un morceau de blues, Route 66. Voilà, je pense que certains auditeurs connaîtront. Donc, je vais le faire a cappella. If you have a plane to my to west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Come on, get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma cities. Mighty pretty, you see Amarillo. Get up New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Kingman and Boston, and San Bernardino. Why don't you get it too, this timely trip? When you make that California trip, come on to get your kicks on Route 66. Come on to get your kicks on Route 66. Come on to get your kicks on Route 66. Yeah. Bravo. C'était pour toi, Olivier. Merci. Oh, merci, je suis touché. C'est un dur exercice en plus. Bravo, Elsia. Merci. Olivier, comment s'est fait la rencontre pour toi avec Elsia? Tout de suite, t'as accroché, t'as eu un univers, tu t'es dit, voilà, il faut qu'on voit ensemble des petites choses. Tiens, t'as une chose à lui demander tout de suite, vas-y, elle refusera pas, là, elle est avec nous. Elle dit oui à tout aujourd'hui. Waouh. Pour le travail. Oui, voilà. D'accord. Non, on s'est rencontrés, autour de la musique, mais en fait, j'ai joué sous un des tableaux qu'elle a peint. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on s'est croisés. Oui. Et là, j'accompagnais une autre chanteuse. Pour le concert de Lucia Di Carlo, c'est ça. Exact. Ouais. Ah, oui. Qui était vraiment un beau moment pour moi aussi, parce que j'étais entouré de musiciens fabuleux. Mmh. Et donc, c'est la première fois qu'on s'est croisés. Oui, tu accompagnais Lucia sur une de tes chansons, justement, celle qui vient de passer, première seconde. Voilà, il y avait plusieurs chansons, c'était un spectacle qu'elle avait monté avec plusieurs chansons auxquelles j'ai, de mes chansons qu'elle a reprises, plus d'autres musiciens qui étaient sur scène et qui avaient amené eux aussi leurs chansons. Mm. Donc elle a construit une histoire à partir de tous ces éléments et je l'ai accompagnée au piano sur scène, donc c'est elle qui chantait, avec ce portrait qu'avait peint Elsia au-dessus de la scène. Voilà. Et donc, il y aura d'autres rencontres, d'autres musiques et d'autres peintures avec Olivier, je pense. La prochaine, c'est quand, tous les deux? Je ne sais pas. Disons qu'on a un projet de... Voilà, moi, je vais écrire une chanson et lui va me faire la mélodie pour que je puisse l'interpréter parce que j'adore son univers. Même si moi, je suis plutôt soul et jazz, etc., il y a quelque chose dans sa musique qui me touche particulièrement, donc pourquoi pas faire une balade, et l'intégrer dans mon projet personnel. On trouvera cette complicité dans votre album, justement, une idée de la sortie, d'une date de sortie éventuellement de cet album? Je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Après, j'ai ma page Facebook d'Elsia, donc si les gens veulent me suivre, qu'ils n'hésitent pas à taper Elsia, Elsia, E-L-S-I-A, et là, ils auront toute l'actualité, les concerts, ainsi de suite. voir. Et pour vos créations artistiques, on parlait à l'instant, vous aviez réalisé le tableau sur le concert de Lucia Di Carlo. Oui. On vous retrouve aussi sur internet, Elsa Crea. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un autre nom, c'est un autre compte. Voilà, c'est voilà, complètement et là, différent. On peut y retrouver d'ailleurs cette toile, un extrait de cette toile haute en couleur. Voilà, et puis bon, bah, je fais à côté de ça des meubles, puisqu'à la base, je suis designer, diplômée de l'IAV d'Orléans. Donc, j'ai un univers artistique assez large. Hein. Artiste. Voilà, c'est complète. Ça. Alors, tu vas rester complète. Là, on a du remeublement à faire dans les studios. moi, c'est de la pièce inique que je fais. Donc, et Olivier, où est-ce qu'on peut le retrouver aussi? Alors, bah, lui, il va être dans Parcours et Jardins le week-end prochain. Voilà, ce week-end prochain, donc Parcours et Jardins, c'est où ça? Centre d'Orléans, et c'est une soixantaine d'artistes qui se produisent dans les cours des immeubles d'Orléans du centre-ville, donc des endroits auxquels on n'a pas accès d'habitude. Mm-hmm. Donc je vous recommande d'aller, si vous ne connaissez pas, d'aller faire ce parcours dans les jardins. Mm. Et moi, j'aurai le plaisir de jouer le vendredi soir à 21h. Et le dimanche à 16h30. Et puis, encore une fois, plein d'autres artistes à découvrir. Donc, il faut aller voir sur le site d'ABCD45, qui est l'association qui organise Parcours et Jardins. Oui. Et là-dessus, vous trouverez tous les lieux, les artistes. Parfait. Et les lieux. D'accord, c'est la semaine prochaine. Hein. Oui, le week-end. C'est la semaine prochaine. D'accord, le week-end donc, prochain, ça direction abcd45.com pour avoir tous les détails de l'événement. C'est ça. Voilà, c'est la prochaine date. Et okay. Puis, le morceau que vous venez d'entendre, c'est un des. 6 morceaux du disque que je sors en octobre, donc je suis heureux que vous l'ayez passé en avant-première, voilà. Et puis, je serais heureux de vous recontacter peut-être pour présenter plus de titres bientôt. Il va même falloir que tu viennes nous voir ici en direct. Oui, et cette fois-ci, ce sera toi l'invité pour nous présenter l'album. Ah mais avec grand plaisir. Eh ben il y a pas de souci. Avec grand plaisir. Tu nous appelles et puis on prend date un samedi. Tu viens nous voir. On va parler de l'actualité de la sortie de ton album qui arrivera. Et là donc c'était première seconde qu'on a eu même avec nous derrière toi. Eh ben en tout cas un grand merci à toi Olivier. On rappelle donc première seconde si vous souhaitez écouter ce morceau qui arrivera au mois d'octobre et prochainement sur Arc-en-Ciel. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée et puis à bientôt alors. À bientôt. Bisous. À bientôt. Au revoir Olivier. Allez Grégory Potter, Liquid Spirit, et on se retrouve juste après sur Arc-en-Ciel. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard dry land. Clap your hands now, clap your hands now, go ahead and clap your hands now, clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et de retour ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ça bouge, hein. Liquid Spirit. Liquid Spirit, oui, de Gregory Porter, que j'adore. Hein. C'est un auteur-compositeur de jazz qu'on est allé voir dernièrement avec mon amie Cathy qui est dans les studios aujourd'hui. On est allé voir donc Gregory Porter là, lors du festival dernièrement à Orléans, et ça a été splendide. Il est totalement habité lorsqu'il chante. On a l'impression qu'il prêche. On voit justement l'influence du gospel. Et il nous a fait deux rappels, et à la fin il nous a chanté une chanson a cappella. C'était vraiment fabuleux, et on a eu la chance de pouvoir le rencontrer après, donc magique. C'est quelqu'un de très très nature, authentique, vraiment charmant quoi, sur tous les plans. On est conquise en fait. Voilà. Elsia, grand merci à toi d'être venue nous voir, notre coup de cœur de la journée. Merci bien. Donc on rappelle ton site internet, Elsia. Ouais. Enfin, c'est pas un site, en fait, j'ai une page publique sur Facebook, oui. Elsia, E-L-S-I-A. Je fais donc des concerts au mois de juin, le 4 à la Java Pop, avec Franck Salle et Thibault Lurton. Et le 15 juin, au Club 15, une expo-concert avec donc Alexandre Soubry, et puis le bassiste d'Anita Farmine, qui est donc Bruno Ramos. Et a également un concert le 1er juillet, mais ça, vous aurez toutes les infos en allant sur ma page Facebook. Voilà. Eh bien, grand merci à toi. Merci à tous nos artistes d'être venus nous voir. Bon week-end à toutes et à tous. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles.